essuiera des pleurs et des larmes. Englouti par les eaux, brisé par les lames. Il y aura des tempêtes et des menaces. Mais peu importe le prix, on y fera face. Je lui promets d'être celui, celui qu'elle attend. Je lui promets de ne plus être comme avant. Être avec elle ce jour et nuit, bien plus qu'avant. Et ce que nul autre pourra donner, je lui donnerai. Et malgré mes mots, elle ne me croit plus. Vouloir convaincre, mais c'est ainsi. Ses yeux remplis de peine, elle ne me voit plus. Et si son amour meurt, que je meurs aussi. Je lui promets d'être celui, celui qu'elle attend. Je lui promets de ne plus être comme avant. Avec elle ce jour et nuit, bien plus qu'avant. Et ce que nul autre pourra donner, je lui donnerai. Je ne sais, je ne sais.